compte c'est le vecteur horizontal, donc c'est à partir de l'île plus large. Donc c'est non. Pas dur. C'est clair? C'est clair? Oui. Donc, si on résume l'entrée, quitte ferme l'entrée normale, directement vous allez déduire les signes d'hypertrophie auriculaire gauche et d'hypertrophie auriculaire droite. L'entrée normale, elle est positive en dernier en D2, l'amplitude maximum 2,5 et la durée inférieure à 0,12 secondes. Qu'il y ait deux vecteurs. Le premier vecteur, la première partie de l'entrée, la première partie, c'est le vecteur vertical qui est responsable de l'amplitude et qui est le vecteur d'activation de l'oreillette droite. Le deuxième vecteur, ensuite, c'est le vecteur d'activation de l'oreillette gauche qui est responsable de la durée. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Donc, l'hypertrophie auriculaire gauche. Le premier signe, c'est quoi? C'est l'augmentation du vecteur horizontal. Et donc, mon P va devenir plus large. Donc, c'est la durée qui augmente, supérieure à 0,12 secondes. C'est clair? Oui. Allez, c'est le premier critère. Le deuxième critère, pour le coup, front P, il y a deux vecteurs. Donc il y a deux composantes. Ah, ils ont coupé normal. Front P normal, il y a. Mais en réalité, qu'il y a une première composante et une deuxième composante. Première composante, à l'oreillette droite. Une deuxième composante, à l'oreillette gauche. Donc quand il y a une hypertrophie auriculaire gauche, c'est la deuxième composante qui va devenir plus importante. Donc on aura un aspect bifide avec prédominance de la deuxième composante. C'est clair? Hein? C'est pas clair? Oui, un peu. Pour compléter le sinus, il est à droite. Donc, l'activation des oreillettes, qui est d'abord l'activation de l'oreillette droite, ensuite c'est l'activation de l'oreillette gauche. Thank you. on veut un aspect diphasique avec prédominance de négativité ou bien négativité exclusive. Dans tous les cas, le principal signe d'hypertrophie auriculaire gauche, c'est l'entrée supérieure à 0,12 secondes. Est-ce que c'est clair? C'est clair. L'hypertrophie auriculaire droite, c'est le contraire. C'est l'amplitude, c'est l'aspect diphasique avec prédominance de la première positivité, et c'est l'aspect diphasique avec prédominance de la positivité. Il y a un aspect purement positif et une amplitude supérieure à 0,12 secondes. Hein? La durée, elle est normale. Quitte court, l'oreillette gauche n'est pas dilatée, la durée de l'entrée est normale. Autrement, le vecteur horizontal, il y a deux vecteurs, le vecteur horizontal et le vecteur vertical. Le vecteur horizontal, c'est l'activation de l'oreillette gauche, et il se dirige de la droite vers la gauche. Le vecteur vertical, il se dirige du haut vers le bas. C'est l'activation de l'oreillette droite. Donc l'amplitude, c'est l'oreillette droite. La durée, c'est l'oreillette gauche. Quand il y a une hypertrophie bimoniculaire, là, on va trouver une augmentation d'amplitude et de la durée. Est-ce que c'est clair? L'axe, un autre critère, mais qui est secondaire, qui calcule l'axe de l'entrée. S'il y a une hypertrophie auriculaire gauche, l'axe est dévié à gauche, inférieur à 0. S'il y a une hypertrophie auriculaire droite, l'axe est dévié à droite, à 90. Est-ce que c'est clair? Je vous dis, il faut comprendre l'activation normale des oreilles. L'activation normale, si vous arrivez à comprendre l'activation normale des oreillettes, vous allez déduire. Faire au point qu'il y a deux vecteurs, que le nœud sinusalier à droite, donc la première composante, c'est l'oreille droite, la deuxième composante, c'est l'oreille gauche. Donc quand il y a un aspect bifide, si c'est l'oreille gauche qui est dilatée, bifide prédominante la deuxième composante, si c'est l'oreille droite, bifide avec prédominance de la première. Que les deux vecteurs, le vecteur horizontal, c'est la durée, c'est celui de l'oreille gauche, le vecteur vertical, l'amplitude, que en V1, l'aspect normal, diphasique. La positivité, c'est celle de l'oreillette droite. La négativité, celle de l'oreillette gauche. S'il y a une hypertrophie auriculaire gauche, c'est l'aspect diphasique avec prédominance de négativité. Et la durée supérieure à 0,12. Si il y a une hypertrophie auriculaire droite, c'est l'aspect diphasique avec une prédominance de la première et une amplitude supérieure à 2,5. La durée est normale dans l'hypertrophie auriculaire droite. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà un aspect comme chevaux. Est-ce que vous voyez? Voilà l'aspect d'une entrée d'une hypertrophie auriculaire gauche. Il y a une petite positivité et une deuxième négativité qui est plus importante. Là, c'est l'aspect typique de l'entrée qu'on verra dans l'hypertrophie auriculaire gauche. Voilà l'aspect typique de l'hypertrophie auriculaire droite. C'est l'entrée. C'est l'entrée qui est ample. Oui, toujours pour l'équilibre, ce qu'il faut savoir, le CG, il n'y a jamais de critère sensible et spécifique à 100%. Dès qu'il trouve, par exemple, l'hypertrophie auriculaire gauche, c'est l'augmentation de la durée, l'aspect bifide, avec le de la deuxième, l'aspect diphasique avec le domaine de l'identité, c'est rare de trouver tous les signes. Le principal signe, c'est la durée supérieure à 0,12. Quand par exemple, vous avez uniquement une durée de l'entrée supérieure à 0,12, vous n'allez pas trouver l'aspect bifide et vous n'allez pas trouver l'aspect diphasique. Mais c'est suffisant. C'est suffisant pour suspecter le protocole. Dès le premier, la première diapositive, les signes des hypertrophies à l'ECG, ce n'est pas des signes fidèles à 100%. Quand on suspecte une hypertrophie, il faut confirmer par l'échographie. Il n'y a pas de tableau typique. Par exemple, l'hypertrophie auriculaire droite, ce n'est pas obligatoire de trouver l'amplitude qui mène là. Supérieure à 2,5, un aspect diphasique, un aspect bifide avec dans notre matériel de société, ce n'est pas obligatoire. Quand vous trouvez une amplitude supérieure à 2,7, c'est suffisant pour suspecter hypertrophie auriculaire droite. Parce que la tournée, le principal critère, c'est ça. Hypertrophie auriculaire droite, c'est le vecteur vertical, c'est l'amplitude. Hypertrophie auriculaire gauche, c'est la durée. C'est clair. Dans l'hypertrophie auriculaire, dans l'hypertrophie biauriculaire, c'est les deux. Vous allez trouver une amplitude supérieure à 2,5 et une durée supérieure à 0,12 secondes. C'est clair? Donc, les généralités, c'est qu'il faut savoir parler pas normal. Le ventricule gauche est prépondérant. Allez, max des QRS. Max normal des QRS, il est entre 0 et 90. D'ailleurs, on est toujours à gauche. C'est le demi-cercle gauche. Pourquoi? Parce que le ventricule gauche, la paroi interne, elle est plus épaisse. Il fait entre 12, il fait jusqu'à 12-13 mm. La cavité, elle est plus importante que le ventricule droit. Pourquoi? Parce que le ventricule gauche, il travaille contre des pressions élevées. Il éjecte dans le système haute pression. Donc, sa paroi est plus épaisse et sa cavité plus importante. Par contre, le ventricule droit, il travaille contre des pressions qui sont basses. Donc, la paroi interne est plus fine, 3 à 4 mm, et la cavité, elle est plus petite. Donc, à l'état normal, flux IG normal, ce qu'on voit, flux IG normal, on voit un ECG normal d'une prépondérance du ventricule gauche. C'est pour ça que l'aspect normal, flux IG normal, qui fait chercher pour l'aspect normal de V1 jusqu'à V6. Mais V1, petite onde L, grande onde S, il y a une négativité qui est plus importante. Parce qu'on est à droite, du ventricule droit. Plus on se dirige à gauche, la positivité augmente. L'amplitude d'onde R augmente et la négativité diminue. Pourquoi? Parce que le CG normal, c'est l'activité prépondérante du ventricule gauche. Donc, quand on voit une hypertrophie ventriculaire gauche, allez, il faut comprendre. Quand on voit une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est plus facile de faire le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche que d'hypertrophie ventriculaire droite. Pourquoi? Parce qu'à l'état normal, déjà, c'est l'activité électrique du ventricule gauche qu'on voit. Allez, un. Deux. Qu'est-ce qu'on voit en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche? C'est une caricature de l'ECG normal. Où il y a l'onde S, elle augmente d'amplitude. Où il y a l'onde R, elle augmente d'amplitude. Parce qu'à l'état normal, c'est l'activation normale du ventricule gauche qu'on voit. Donc, là où il y a une onde R, on, par exemple en V5 ou en V6, elle augmente d'amplitude. Là où il y a une onde S, en V1 et V2, elle augmente d'amplitude. C'est pour ça qu'on voit une augmentation des indices. L'hypertrophie ventriculaire gauche. Par contre, l'hypertrophie ventriculaire droite, on va modifier complètement l'architecture de CG. L'aspect petit r, grand S, en V1 et en V2, change. C'est l'amplitude de l'onde R qui augmente et celle de l'onde S qui diminue. Un peu. C'est clair. Et l'axe, tellement qu'à l'état normal, l'axe, il est déjà à gauche, l'hypertrophie ventriculaire gauche, elle ne va pas dévier beaucoup l'axe, parce que l'axe déjà, il est à gauche. Par contre, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite qui va dévier l'axe, il va devenir supérieur à l'axe. Donc, les quatre critères, là donc c'est des critères qui sont communs. Quand il y a une hypertrophie ventriculaire, les QRS vont devenir plus larges. Donc, durée des QRS qui est plus large. À l'état normal, jusqu'à 0,8-0,8. Jusqu'à 0,12, on parle, donc c'est incomplet, on est bloc incomplet. Au-delà de 0,12, c'est du élargissement incomplet. C'est clair. Déflexion intersicurie qui est retardée. Ah, faut qu'il fasse un calcul de déflexion intersicurie. Non. La déflexion intersicoïde pour le ventricule droit, on la calcule en V1 et en V2. Pour le ventricule gauche, on la calcule en V5 et en V6. Donc, comment on calcule? Parce que le QRS, c'est du début du QRS jusqu'au sommet de la dernière positivité. Il est qu'il y en a une seule jusqu'au sommet de l'entrée. Il est qu'il y en a plusieurs. C'est jusqu'au sommet de la dernière positivité. Il y a la déflexion intersicoïde. La déflexion intersicoïde, elle va représenter quoi? Elle va représenter l'activation de la paroi depuis l'endocarde jusqu'à l'épicarde. Donc quand il y a une hypertrophie ventriculaire droite, c'est la déflexion intersicoïde droite en V1 et en V2 qui est plus large. Quand il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est la déflexion intersicoïde gauche en verset qui ont dit, qui est plus large. Un tour. Fuir. La déflexion intrinsécoïque. La déflexion intrinsécoïque, calculera pour le ventricule droit et le ventricule gauche. Quelles sont les dérivations qui sont en face du ventricule droit? C'est V1 et V2. Quelles sont les dérivations en face du ventricule gauche? V5, V6. Donc, déflexion intrinsécoïque droite, on la calcule en V1 et V2. Déflexion intrinsécoïque gauche, on est 5 et on est 6. Comment on calcule la déflexion intrinsécoïque? Du début du QRS jusqu'au sommet de la dernière positivité. Il est qu'il y a une seule terme. Du début du QRS jusqu'au sommet. Il est qu'il y a une début du QRS jusqu'au sommet. Et à l'état normal, de tout le collectif. À l'état normal, déflexion intrinsécoïque droite jusqu'à 0,03. Déflexion intrinsécoïque gauche jusqu'à 0,06. 0,7, 0,6. Pourquoi? Parce que à l'état normal, tu retrouves ces ventricules gauche qui est plus, sa paroi est plus épaisse. 22. C'est là. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a deux, c'est des critères qui sont communs. QRS large, déflexion intrinsécoïque retardive, en fonction du type d'hypertrophie. Il est donné à la fonction de l'hypertrophie à gauche. Donc, en QRS, déflexion intrinsécoïque retardive, on fait ça, je fais ça. Il y a plus de ventricule droit, on fait 1 et on fait 2. Le troisième critère qui est commun, c'est les taux de la polarisation. On voit des entités négatives avec sous-décalage ST en V1 et en V2, en cas d'hypertrophie ventriculaire droite. En V5 et en V6, en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et l'axe dévié correspond beaucoup plus à l'hypertrophie ventriculaire droite. Le cinquième critère, c'est un critère qui change. Dans l'hypertrophie ventriculaire droite, correspond, c'est l'aspect qui change complètement. Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est une augmentation, c'est une caricature de l'ECG. Voilà l'exemple dans l'hypertrophie ventriculaire droite. Dans l'hypertrophie ventriculaire droite, donc, quels sont les critères? Premièrement, les QRS large, déflexion intrinsécoïque retardée, trouble de la polarisation et max qui dévie à droite. Et demain, c'est des critères communs. Et l'hypertrophie ventriculaire droite. Et l'hypertrophie ventriculaire gauche. Le cinquième critère, c'est un changement de l'aspect normal de l'ECG. À l'état normal, en V1 et en V2, on voit une petite onde R et une onde S. L'hypertrophie ventriculaire droite, l'onde R augmente d'amplitude. Donc il y a trois aspects qui sont possibles. Un des trois aspects possibles. Soit une onde R exclusive, il n'y a pas d'onde S complètement. Là, c'est l'aspect le plus grave habituel. Soit c'est RS avec rapport R sur S supérieur à 1, l'amplitude d'onde R qui augmente, elle va dépasser celle de l'onde S. Soit c'est un aspect en double déflexion positive. RS, RP. C'est clair? C'est clair? Très touché, aussi, j'ai pas mal. Donc, dans l'hypertrophie ventriculaire droite, il y a trois aspects qui sont possibles. Soit, là, R, S, avec un rapport R sur S supérieur à 1. Soit, c'est un aspect en double déflexion positive, RS, RS, RP. Il y a deux déflexions positives. Soit, c'est une déflexion positive exclusive. Avec les troubles, je vois les troubles de la polarisation, l'entité qui est négative et le sous-décalage du second S. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Voilà l'exemple. Exemple d'une hypertrophie ventriculaire droite. Je vous renvoie une onde R exclusive. Là, ce n'est pas ce que l'on a fait, c'est géré. Et donc, ces petites R, là, il y a une onde R exclusive avec trouble de la polarisation, avec les QRS qui sont larges. Vous voyez, c'est une hypertrophie ventriculaire droite. Là, c'est le premier aspect. Le Le deuxième aspect, RSRP. Il y a deux RSRP. Il y a deux déflexions positives, avec des QRS qui sont larges et des troubles à la polarisation. C'est le deuxième aspect possible. Le troisième aspect, voilà. R supérieur à un de S. Rapport S sur S. Supérieur à 1. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, dans l'hypertrophie ventriculaire de la voix, ce qu'il faut retenir, un, c'est que ces max est défini, habituellement dans l'hypertrophie ventriculaire de la voix. Elle va modifier l'architecture normale de l'essentiel. Les critères comme elles sont QRS large, déflexion agressive ou de retardée, trouble de la polarisation et max qui est défini à la voix. L'aspect en V1 et en V2 change à l'état normal, petit R, grand S. Dans l'hypertrophie ventriculaire droite, il y a trois aspects possibles. Soit R exclusif, soit RS avec un rapport R sur S supérieur à 1, soit un aspect en double déflexion positive, RSRP. C'est clair? Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, pour le coup, la durée du QR, c'est la réflexion de la sécurité de la vie. L'axe habituellement n'est pas dévié. Habituellement, il peut être dévié à gauche. Mais habituellement, l'axe, il est normal dans l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, qu'est-ce qui va changer l'hypertrophie ventriculaire gauche? Là où il y a une onde R, elle va devenir plus sombre. Là où il y a une onde S, elle va devenir plus sombre. Donc, c'est les indices qui augmentent. Ou les indices, qui est trois indices. Et parmi les trois indices, il y a deux indices qu'il faut retenir, qui est l'indice de Sokolov, S en V1, R en V5 et en V6. C'est la limite à 35 fois 40 mm chez les jeunes, chez les jeunes, jusqu'à 40 mm. Surtout les sportifs, on a fait le Sokolov là. Et c'est tout à fait normal. L'indice, c'est l'indice qui est le plus sensible, c'est l'indice de Cornell. R en AVR, S en VTR. Chalali. Pourquoi l'indice de Cornell est plus sensible? Pourquoi l'indice de Cornell est plus sensible que l'indice de Sokolov? Parce que l'indice de Sokolov et l'indice de Lewis, tous les autres indices, ils explorent le cœur sur le même plan. Quel jour l'indice de Sokolov, c'est quoi? C'est S en V1, R en V5 et en V6. On est toujours dans le plan précordial. Par contre, l'indice de Cornet, il inclut les deux plans, R en AVR et S en V1. C'est clair? L'hypertrophie ventriculaire gauche, elle n'est pas quelque chose à comprendre, elle dit qu'il faut apprendre. Il y a deux types d'hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a l'hypertrophie ventriculaire gauche parce que charge de pression, HVG systolique. Comme par exemple dans le rétrécissement aorti. Dans le rétrécissement aorti, donc c'est plus que charge de pression, c'est la paroi qui s'hypertrophie. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'aspect des chemins, en plus, l'onde de Q en V5 et en V6 diminue avec une entité qui est négative. Flash VG diastolique, par surcharge de volume, par exemple dans l'insuffisance aortique, c'est une surcharge de volume. On appelle ça une HVG, par surcharge diastolique. On voit le contraire, une onde de Q qui est fine et profonde et une entité qui est positive. Il faut les apprendre. Flash VG systolique, parce que charge de pression. L'onde Q en V5 et en V6 diminue ou disparaît avec une entité négative. Le contraire, flash VG parce que charge du volume. L'onde Q qui augmente et l'onde qui diminue. Dans l'hypertrophie, dans les hypertrophies. hypertrophie auriculaire. Dans l'hypertrophie auriculaire gauche, c'est la durée qui augmente. Donc c'est le vecteur horizontal. L'onde P est supérieure à 0,12 secondes. Il y a un aspect bifide avec prédominance de la deuxième composante. En VA, il y a un aspect diphasique avec prédominance de négativité ou une négativité exclusive. L'hypertrophie auriculaire droite, c'est l'amplitude. L'amplitude supérieure à 2,5 mm. Donc l'aspect bifide avec prédominance de la première composante. Et en V1, une positivité, prédominance de positivité ou positivité exclusive. Dans les hypertrophies ventriculaires droites, les signes, on les voit en V1 et en V2. Qu'est-ce qu'on voit? Les QRS qui sont larges, déflexion intrinsèque de l'intérieur, les troubles de la localisation et l'axe qui est dévié à droite. Avec l'un des trois aspects possibles, soit RS avec rapport R sur S supérieur à 1, soit une onde R exclusive, soit un aspect en double déflexion. Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est un ECG normal avec des amplitudes plus importantes. Il y a deux indices, socolore et cornée. L'indice de cornée est plus sensible. R en AVM, S en V3, limite 20 mm chez la femme, 28 chez l'homme. L'indice de socolore, c'est S en V1, plus R en V5 et en V6. Il y a deux types de surcharge dans l'hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a la surcharge systolique, c'est une surcharge de pression quand il y a un obstacle. Par exemple, dans le rétrécissement aortique. Là, on va trouver une onde Q qui va diminuer ou disparaître avec une onde T négative. Dans la surcharge diastolique, dans la surcharge aortique, l'onde Q qui augmente d'amplitude avec une onde T qui est positive. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Bon courage. هذا خلق الله.